seconde où ma carapace dans un lieu de marbre, loin des gens qui parlent, j'irai te rejoindre dans le calme blanc. Dans un lieu